allez filer. C'est la débandade. Il nous suffit d'avancer un peu. Vous sentez le moral qu'ils ont maintenant? Vous le sentez, ce moral? Je veux m'en servir avant que quelque chose ne se passe qui puisse saper leur force. Je ne peux rien faire pour couper notre élan tant que tout le monde est gonflé à bloc. Si quelques hommes perdent connaissance, eh bien, il faudra qu'ils perdent connaissance. Vous savez qu'ils peuvent mourir. Eh bien, ils peuvent mourir sous les balles aussi. Ce sont des hommes robustes. Allons-y, les gars, en avant! Les cadavres, là où on va, vous en verrez d'autres! Pas de quartier! À la guerre! Pour les crânes, pour la fiancée, les braves qui sont fiampés, les grâces qui jactent et repartent le cul enflé. Les braves qui crament quand on paxe les flammes, pour les salles qui s'embrassent quand on crache de l'essence. C'est pour les claques qui ont acquiescé, les baffes qu'on a encaissé. C'est les précédents, c'était le talc avant la fessée. T'es quoi baisser, je crois se laisser. Tu crois me défier, mais ma, je vois tes poils stressés. Je crois se l'épée sans que jamais personne ne me touche. Je te laisse roussant comme un jour de glande sur une plage d'été. Les phases ont grave engraissé. Si tu veux me clash, mais je t'éclate même en trépied. Je peux te pénétrer les neurones et te les péter. À croire que des mômes j'avais de la cam dans mes tétés. J'ai gardé la rage, j'ai toujours rien à fêter. C'est Y style, mais ton rap est à rapiécer. On fait un car, on tient un bar. On fait un car, j'en fais un match. On fait un car, on traîne un sac. On pose des sacs. On fait un car, on tient un bar. On fait un car, j'en fais un match. On fait un car, on traîne un sac. On pose des sacs. Plaqué de vos shots, plaqué dans les shops. J'suis plaqué dans le shit, mais ne shit jamais du top. J'ai échappé dans le style, échappé dans l'estime. Shooté dans les skins, les équilés d'une hostie. En attendant l'armistice, peace. J'marque les prétentions à l'hospice. Peu importe l'espèce ou le supplice, ce sont les mêmes qui supplient. Et puis, ils sont trop déçus, ils se blessent et se plient. Les plis, baissent et s'écrient. Consacré au mépris, j'ai récolté les débris pour vous griller par débris. J'ai gardé les deux pieds accrochés aux étriers. J'ai dû épiller pour trier, puis j'ai trimé pour rimer, j'ai prié pour briller, je vais te payer pour brailler. Car j'ai passé le stade du brouillon, ça les débrailler. Mais ça veut pas payer, marre de prouver les poches trouées. Moi je voudrais voir du pays. Avec un cheval, on va décider compact, viens vous faire tressailler, restez pas fichés, bougez vos corps au lieu de vous ramollir. C'est avec une armée de mots qu'on combat nos pires ennemis. Pas besoin d'une quelconque virulence pour fuir le mépris. C'est pour des jours meilleurs qu'on avance. Pour stopper l'incohérence d'un système rongé par les défaillances. On a la fureur et plein d'objectifs en tête. Pour connaître la lueur d'un univers moins bête. En us tenant lyrique, c'est non d'une arbalète. Bon, bon. Anti-violence, faut-il encore que je le répète? C'est trop facile de se laisser dominer. On a choisi de marcher à contre-courant pour tous faire partie des obstinés. On reste cool, mais pas forcément toujours raffiné dans nos complaintes normales. Vu que le monde dans lequel on vit nous fait des feintes. Le principal, c'est qu'on s'exprime, qu'on pointe du doigt ce qui nous déprime. Qu'on marche soudé à refouler les crasses qui nous détruisent. On fait un car, on tient un bar. On fait un car, j'en fais un match. On fait un car, on traîne un sac. Poser les armes. On tient un bar, on fait un car, j'en fais un match. On fait un car, on traîne un sac, poser les sacs. On voulait laisser les chances à personne, voilà la raison du deuxième temps. Une combo perspective, écoute, y'a pas de réponse possible. J'me donne le mic, plus que jamais mélomane. J'mets le style, une écriture farouche, franche et direct. Additionné à ce flou de tech. Masta, s'il te plaît, reste calme. Man, j'ai la rage au bout des lèvres, le sang qui bout, t'es mal à l'aise. Notre arnaque douce, t'as pas de trêve, pas le train, toujours le même qui te maltraite. Les oreilles chauffent, c'est toi la pute qui chaque sous nous soit honnête. Jamais on te banise là, on sait où on va, notre but est concret. Ta pub est bénéfique, on en profite à mort dans le système concret. On procrée une armée de mauvais et à éliminer les crapauds qui nous snobaient. Leur tour en force de trois ténors d'un soprano d'un DJ. Le nom est l'addition de quatre lettres nettes, le son est pur mais petit est le budget. Mon plasma se tapit en force encore plus déterminé. On fait un car, Gabi.